Je vous montre des objets, c'est à vous de me montrer où ils sont placés. Hichasti na ya unyajayabhamama ufritonaka, ukataraki humana kaha sabhitata, unyajayabhitata kaukils uchataha. Hichasti na ya unyajayabhamama ufritonaka, ukataraki humana kaha sabhitata, unyajayabhitata kaukils uchataha. Montrez-moi où est l'enveloppe. Unya chayita kaukinkisa papel uchaña. Unya chayita kaukinkisa papel uchaña. Montrez-moi où est la clé. Unya chayaprita kaukinkisa llavita. Unya chayaprita kaukinkisa llavita. Montrez-moi où est le rasoir. Unyachayaprita kaukinkisa sunka kuchusiña. Unyachayaprita kaukinkisa sunka kuchusiña. Montrez-moi où est le verre. Unyachayaprita kaukinkisa jaruchita. Unyachayaprita kaukinkisa jaruchita. Montrez-moi où est le crayon. Unyachayaprita kaukinkisa lapiciruta. Unyachayaprita kaukinkisa lapiciruta. Montrez-moi où est le téléphone. Unyachayaprita kaukinkisa telefonota. Unyachayaprita kaukinkisa telefonota. Montrez-moi où est la montre. Unyachayaprita kaukinkisa la intita. Unyachayaprita kaukinkisa la intita. Montrez-moi où sont les ciseaux. Unyachayaprita kaukinkisa tijerata. Unyachayaprita kaukinkisa tijerata. Montrez-moi où est le peigne. Unyachayaprita kaukinkisa chakrasiña. Unyachayaprita kaukinkisa chakrasiña. Montrez-moi où sont les lunettes. Unyachayaprita kaukinkisa naerar uchasiña. Unyachayaprita kaukinkisa naerar uchasiña.